Bonsoir à tous, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Avec vous ce soir, nul autre que Michel et Bruno. Salut Bruno. On a quelques nouveautés ce soir, dont le nouveau Sonus Umbra. C'est peut-être pas tout à fait récent, mais c'est la première fois que je mets la main dessus, le nouveau de Skies. On a aussi le disque solo de Richard Solblum, de Birdfish, un groupe allemand qui a pour nom Martigan, ça vient de sortir. Et puis, on commence avec, ce soir, on va commencer avec RPVL ou RPWL selon les goûts, parce que, bon, on souligne toujours à chaque semaine, il ne reste plus rien que 4 mois maintenant avant la convention Terra Incognita. Ça s'en vient tranquillement. Je ne dirais pas que je compte les dodos parce qu'on va en avoir à compter encore pendant longtemps, mais ça se rapproche. Et pour souligner ce soir, ben, on va ouvrir avec une de mes pièces préférées de Gentle. c'est la pièce a pour titre Gentle Art of Swimming. Et c'est RPVL d'un disque qui a pour titre Stock. RPVL qui sera à Québec 2 fois plutôt qu'une. On va voir le groupe le 20 mai au Centre d'art, un show hommage à Pink Floyd et pas n'importe quoi. C'est The Journey and The Journey. Oui. Hey, mon Dieu, là, j'ai comme un... Enfin, c'est un show hommage à Pink Floyd, période de Uma Guma et de Moore. La trame sonore du film Moore. Et donc, ça va être psychédélique, à ne pas en douter. Et puis, on va enchaîner avec Sylvan, qui, eux, se produiront le dimanche 22 mai, toujours au Centre d'art La Chapelle. Un autre groupe, ça va être une fin de semaine un peu allemande, avec RPVL, qui est là 2 soirs, le vendredi et le samedi. Puis, ben, Sylvan, le dimanche. Et puis, évidemment, ils ne sont pas seuls, il y a bien d'autres groupes. Je vous donnerai l'horaire plus tard. Et on amorce avec donc RPVL Stock, la pièce Gentle Art of Swimming. Thank you. they should know. Break consent, divorce. Statistically, the figures tend to grow. This article deplores virtually impossible, it seems, that couples coexist. Interpreted it means dreams might not persist, but I wanna totally stand and breathe the storm release for sure. Paragraph concludes society bears the blame. Regrettably, and this is nothing new, a bitter taste remains.

Vous est présenté par La Barberie. C'était donc une petite nouveauté. Sonus Umbra, un groupe américain qui nous a visités, mon Dieu, je pense, sauf erreur, ça doit faire 3 ans dans le cadre de la convention Terra Incognita. Et c'est leur 5e album, Beyond the Panopticon. Vraiment excellent. Ben, d'ailleurs, ceux qui étaient présents à leur concert savent que ce groupe-là s'est déménagé, mais c'est aussi à être subtil. Et c'est vraiment une des bonnes formations américaines c'est vraiment une des méconnues, je trouve. Sonus Umbra, donc le 5e Beyond the Panopticon. Avant, on avait Sylvan, du plus récent, Home, un groupe qui, depuis 3-4 albums, là, franchement, la barre se hausse à chaque fois et se hisse à chaque fois. Et c'est vraiment... Home, je pense qu'ils sont rendus à un point là, qu'on peut dire qu'on a vraiment hâte au prochain. Donc, Sylvan, Home. Et puis, on aura la chance de les voir pour la première fois à Québec. Puis même, ça va être sûrement au Canada, une première canadienne. Donc, Sylvan, le 22 mai au Centre d'art La Chapelle, avec Unreal City et Kinetic Element. Donc, ça va être une belle journée bien remplie. Et puis, on avait aussi... la première pièce, donc RPVL ou RPWL, donc Stock, la pièce Gentle Art of Swimming, et eux, on va avoir le plaisir de les voir deux fois plutôt qu'une, donc le vendredi soir avec le fameux spectacle que je vous parlais tantôt, que le titre m'échappait, c'est The Man and the Journey, avec des pièces de Uma Guma et de la trame sonore du film More, et les gars sont vraiment bons dans le Pink Floyd, ça, je leur donne. Et puis, le lendemain, c'est leur show, un show RPVL, donc... avec, je pense que ça va être pas mal inspiré de la tournée Wanted, avec quelques nouveautés selon ce que Cale m'a dit, le guitariste. Et ça, c'est donc vendredi, samedi, c'est pas mal ça, RPVL. Mais il va y avoir aussi directement du Royaume-Uni, Abel Gans. Et puis on va avoir aussi notre groupe de Québec, le Inner Odyssey, qui va ouvrir le samedi. Donc ça va être une foutue belle fin de semaine de prog. Et on continue en musique. Cette fois-ci, on va aller faire un tour du côté de la Lituanie. Un groupe qui ne produit pas souvent, qui a pour nom The Skies, je pense. De toute façon, il ne doit pas avoir beaucoup de groupes prog en Lituanie, sauf erreur. Là, je pense qu'il doit être pas mal. Ça doit être un cas isolé. Donc, The Skies, l'album Journey Through the Skies. Et on y va avec la pièce Dreams. Outside his cave, he killed a man and became depraved. Is this the way? And civilized Romans love to watch man die. When the fingers decided to own human lives, is this the way? Is this the way? Yeah. No one.

feu retour. C'était The Skies. On avait amorcé avec ce groupe lituanien. Donc, on a entendu deux pièces de Journey Through the Skies, paru en 2015. Mais la circulation n'est pas énorme, j'imagine, parce que j'ai mis à main que tout récemment sur ce disque-là. Moi, le seul reproche que je ferais à ce groupe-là, c'est que les pièces sont vraiment courtes. C'est dommage, là, parce que juste quand on commence à vraiment embarquer et à aimer ça, bon, ben, oups, un petit fade, puis on passe à une autre. La durée moyenne, je vous dirais, c'est 3 minutes 40. C'est pas très long. La plus longue, je pense que c'est 5 minutes 5 secondes. Le matériel est bon, mais bon... Il aurait pu facilement étirer ça d'une couple de minutes, mais quand je dis étirer, c'est pas négatif, là, c'est juste que il y a amplement de quoi le travailler avec beaucoup de matériel et puis il aurait pu développer. Mais enfin, ça demeure que c'est un bon disque quand même, donc Journey Through the Skies. Et avant, on avait The Tea Club, une formation qui nous a rendu visite aussi il y a quelques années, deux concerts aussi, et puis c'est des jeunes qui proposent vraiment un prog assez original. Ça sort du rang. Là. En fait, tous les disques que ce groupe a signés sont vraiment comme un peu ovni dans le décor. Et celui-ci ne fait pas exception. Grappling, c'est leur, sauf erreur, je pense que c'est leur troisième. Et puis avant, on avait Richard Sojoubloum, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais enfin, le leader de Birdfish, son nom de famille, c'est S-J-O-T-R-E-M-A-B-L-O-M. Je présume, je ne parle pas assez suédois pour vous dire que ça se prononce d'une façon ou d'une autre, mais Richard Sojoubloum, son deuxième disque, The Unbondable Sleep, vous avez remarqué, il y a peut-être vers le milieu de la pièce, une petite citation de Zappa. C'est un fan fini de Zappa, ce monsieur-là, on le sait. Ceux qui connaissent Birdfish sont au courant. Et puis, ben, avant, ben, c'est ça. On avait amorcé avec The Skies, Journey Through the Sky. Ou The Skies. Terra Incognita, Michel et Bruno, on est avec vous jusqu'à minuit. Et c'est, évidemment, c'est sur les ondes de CKRL FM 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. risposte di quante ne vorrei. Meravigliosi luoghi dove non scorre il tempo. Misteriosa matrice. Segreti drifting on. That's one and the tall. They're mounting up walls beyond the grave. Allez, de retour, de retour. Martigan, ça nous vient d'Allemagne. Et là, je pense que je demandais, attends un peu, Bruno, peux-tu me regarder sur la pile de disques que j'ai laissé de l'autre côté? Martigan. Non, ça c'est Yuminota. Bon, ben écoutez, je vais vous donner le titre tantôt. Je peux pas demander l'impossible à Bruno. C'est le cinquième album de cette formation allemande qui nous arrive de Cologne, pour être plus exact. Néo, vous avez remarqué peut-être aussi des citations un peu à la saga, là, des bons passages même. Il y en a un que j'ai un peu tiqué, comme Bruno d'ailleurs. On s'est dit, oh, c'est pas du plagiat, mais ça y ressemble. Non. Non, mais c'est vrai que ça y ressemblait, mais pas... On parle pas de plagiat. Bon, je n'ai rien dit de tel, mais ça sent le saga. Et puis, on avait avant une formation italienne que j'ai découvert récemment, mais ça fait un petit bout que c'est sorti ce disque-là. Puis même s'il sonne très années 70, c'est quand même, ça vient pas des années 70, mais c'est surprenant, ce groupe reprend vraiment le rock progressif italien des années 70. Puis moi, la première fois que j'ai écouté, je t'assure que c'était un groupe oublié des années 70, mais c'est pas le cas. Ça s'appelle Sezione Frenante, de l'album Metafora di un Viaggio. Donc ça, c'est un groupe italien que je vais probablement creuser un peu. Et on avait amorcé avec un autre groupe italien, Ubi Maior, de Incanti Bio Meccanici. Donc, Bruno me fait signe que c'est le temps de passer à autre chose. Dernière demi-heure, donc, avec Michel et Bruno, Terrain Incognita, sur les ondes de CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. We'll be right back. Reality.